J'ai amené le séchoir casque pour les permanentes à Yannick, j'ai balayé les cheveux, j'ai rangé les places et j'ai amené les bigoudis à Yannick. Hier après-midi, j'ai accueilli et installé les clients, j'ai nettoyé les places, j'ai servi des cafés et des jus de pomme aux clients, puis j'ai enlevé à l'aide d'une petite éponge qui dépassait la couleur de la cliente, les oreilles et la bouche. J'ai accompagné cette même cliente au bac, je lui ai rincé entièrement sa couleur, je lui ai fait deux shampoings et un massage. J'ai ensuite fait une machine à laver, j'ai fait passer les bigoudis à Sandrine, j'ai fait la vaisselle, j'ai nettoyé les places, j'ai rincé et mis à tremper les bigoudis. J'ai nettoyé les places, j'ai nettoyé une tasse et j'ai posé des questions à Michel. J'ai balayé les cheveux, j'ai rangé ce qui traînait. J'ai fait tourner un sèche-linge, j'ai débouché un bac et j'ai observé. J'ai fait des shampoings à une cliente, j'ai débouché un bac, je lui ai fait un massage de crâne et j'ai fait tourner une machine à laver. J'ai étendu les papiers à mèche, j'ai nettoyé ce qui traînait. J'ai balayé les cheveux, puis je suis rentré chez moi calmement, tranquillement, à pied. Je suis rentré chez moi au soleil, calmement, puisqu'hier il faisait beau. Il faisait très beau, c'était très agréable. Je suis rentré, c'était vraiment très agréable. Je me suis posé chez moi très agréablement, très sereinement, très posément. Je me suis fait à manger, très posément, j'ai mangé. Très posément, je me suis posé. Très posément. Excusez-moi, il y a du vent, alors c'est un peu compliqué, mais le vent est agréable quand même. Moi, je trouve le vent très agréable. Je trouve que le soleil est très agréable. J'ai fini ma journée d'hier, c'était vraiment très agréable, je suis allé me coucher ensuite. J'ai dormi paisiblement, tranquillement, il faisait un peu chaud, mais c'était quand même très calme et très agréable. Aujourd'hui c'est vraiment très calme aussi, on est vraiment très bien. Le soleil brûle très fort, on suit très paisiblement, on est vraiment très bien là, on est vraiment très bien. C'est vraiment très agréable. J'ai chaud, il y a le soleil en face de moi qui brûle, mais chaudement, très agréablement, très paisiblement, très calmement, très calmement, il est beau le soleil, il est beau, il est calme, il est tranquille, il fait du bien le soleil, il est vraiment très calme, il est très agréable, vous êtes vraiment très agréable, vous êtes très sympathique, je me trouve très sympathique, cette soirée est très agréable, c'est vraiment très sympathique d'être ici, c'est vraiment très calme, c'est vraiment très calme, c'est vraiment tranquille, on est vraiment posé là, regardez, les gens ils sont à l'ombre, ils sont posés, les gens ils sont au soleil, ils sont posés, les gens là-bas ils sont à l'ombre, ils sont posés, les gens ils sont dans le hangar, ils sont bien, ils sont au calme, on est tous au calme, on est vraiment tous très calme, tranquille. Je vous propose qu'on se calme encore plus, qu'on soit encore plus calme, soyons paisibles, soyons tranquilles, soyons calmes. Tranquillement, on est calme, on se pose, on est bien, on se calme. On se calme tranquillement, on est tranquillement posé, agréablement au sol, on est posé au sol, on a les pieds au sol, on a le cul au sol, on est vraiment très bien, mon cul est très agréable, mon cul est très sympathique, vous êtes vraiment très sympathique. Il fait vraiment très chaud, c'est vraiment très agréable, c'est vraiment très calme, on est au calme. Posé sur mon canapé, oseille dans les mains comme un milliardaire russe, calme. J'ai gagné deux fois au même concours photo, au calme. Pierre teste la nouvelle Porsche de son père, au calme. Au goûter, c'est madeleine, chocolat et confiture, au calme. Je me suis garé à Paname, au calme. C'était calé, au calme. La dame, elle se balade avec son hachis parmentier dans un sac en plastique, au calme. Lendemain de concert, au calme. J'ai pris le sens interdit, au calme. Une souris qui passe devant moi, au calme. Je viens de me faire 100 balles, au calme. Taguer mon front avec un couteau de cuisine, au calme. Compte en banque illimité, au calme. Petite statue pour le dictateur Turkmen, au calme. Au calme. C'est vraiment très calme, c'est vraiment très agréable. C'est vraiment très calme et très tranquille, c'est calme, c'est calme, c'est calme, c'est calme, on est calme. On est vraiment tous très calmes ici. Ah, on est tranquille, on est bien, on est posé. Le babouste, tu sais. Thank you. Ah merde. Thank you. me suis calé là, là, ça va. Thank you. Thank you. telle maison, des choses à faire. On ne peut pas rêver cette année. Thank you. Thank you. Ha ha. Michel et Bernard à la plage. Avec Michel et les gens de l'autre. Pas mal. Michel et Jackie qui tiennent de l'entreprise à la volaille. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Société étrange. Là-bas, là. Thank you. Je suis en train de me faire un peu de temps. Thank you. Thank you. C'est quand même tout le temps chez moi.